A few more dizzying Doppler lovers and then a booming loneliness. How innocent the young student on the day school has begun. When I said this was what I wanted, did you think I thought it would be fun? No, I hated to pop the bubble of me and you. We only held in our oxygen for a trip or two. To the moon and back of you. Oui, bonsoir. Bonsoir les bedos. Bonsoir les bedos. Les petits bedos. Les petits bedos, les grosses bedaines. C'est pas les mêmes, celles-là, là. On peut se tromper souvent. Pendant ce temps-là, là, pendant que mon ami Annie DeFranco jouait sa dernière note, là, je cherchais le 12 août. Le 12 août. Dozo, dozo, dodo, Saint-Tropez. Dozo, dozo, dozo, Saint-Tropez. Dozo, dozo, dozo, Saint-Tropez. Dozo, dozo, dozo, dozo, Saint-Tropez. Dozo, ah, merde. Oh, non. J'ai pas bien de signer. Donc, j'ai perdu la page. Je perds souvent la carte, mais rarement la page. Oh, non. Qu'allons-nous faire? Y a-t-il une pause musicale? Mais pas avant 28 minutes et 33 secondes. Oh, peut-être si. Mais non. Ah, que c'est triste. J'avais vraiment une belle citation de mon ami Woody Bedden. Ah, que l'hiver tarde à passer quand on le passe. À la fenêtre, avec des si et des peut-être, et des vaut mieux pas y penser. L'homme est parti pour travailler. Pendant ce temps-là, je feuillette, hein, ça a l'air de rien. C'est comme la tricoteuse, hein? Tu parles à Gaétane, là? Et t'es au coin? Et t'es au coin de la pièce? Avec sa chaise? Elle se berce. Elle est heureuse. Lorsqu'elle peut se bercer, là, il y a quelque chose qui se passe dans son cerveau. Elle est très, très, très en mesure de sa démesure. Ah! Je l'ai trouvé! J'ai trouvé ma citation! Wow! Mais ça ne veut pas dire que je vais la dire maintenant. Là, je mets le feuillet. Voilà. Là, la clarité vient de tomber. Là, vous allez dire, qu'est-ce qui se passe? C'est la... Est-ce que ça... Hein? Vivons-nous l'anarchie ce soir? Mais j'espère, là. Ça fait à peu près, quoi, 58 ans que je fais cette émission-là. Je suis né il y a 50 ans. Ça veut dire que j'ai fait in vitro. Puis après ça, les... Mais avant... Ben oui, in vitro. Après ça, les limbes. J'ai passé 2 ans et demi dans les couilles de bobo. J'ai mijoté. À un moment donné, on fait quoi avec ça, là? Comme je le disais la semaine dernière, les cornichons sont pas tous d'impôts, fait qu'on va-tu, on va-tu, va-t'on. Ils m'ont dit, va-t'en, on verra, mon cher rat, si tu vaux la peine de vivre. Ça vaut, hein? Si tu vaux la peine de vivre, c'est quand même quelque chose de traumatisant, là. Ça, c'est au moins 2 ans de psychanalyse, là. Tu te fais dire ça, là, tu restes B.A. B.A. B-A. Bonne action. Tu cherches la bonne action, là. Tu vois des petites vieilles, des petits vieux. Puis, j'espère qu'ils vont tomber, moi, les relever. Puis là, tu souhaites qu'ils tombent. Pas pour qu'ils se blessent, pour que tu fasses ta B.A. Là, à un moment donné, t'es ratoureux, là. Tu dis, ah, ouais, regarde, là. Si c'est pas des petits vieux, c'est n'importe qui. Et que tu manges de la banane. T'en manges-tu de la banane? Non, mais laissez-moi. Non, mais laissez-moi manger ma banane. T'en bouffes de la banane. Pour en être malade. Puis pour la pelure. Alors, tu places la pelure sur le sol. Pas le sol. Pauvre de moi. Pas Marc Favreau. Le sol, le vrai sol. Pas la gamme non plus, là. Do, ré, mi, fa, sol. Non, pas ce sol-là, c'est véritablement, là, comme disait Gainsbourg. Comment il disait ça? Non, c'est mon Dieu. Chanté par Petula Clark. La gadou. Au niveau de la. Oui, c'est exactement ça, madame. Au niveau de la gadou, c'est le sol. La gadou, c'est le sol. Ça peut pas être. C'est comme le sol mouvant. Quand tu le regardes avec un œil trop insistant, mais il devient émouvant. Là. Tu dis, hey, émouve-toi pas tant que ça. Fais pas crever autant de citoyens. Je sais pas combien de personnes par année meurent dans des sables mouvants. Ce serait intéressant, là. Si vous connaissez. Non, mais il y a des fous des chiffres, là. Redman, c'est un fou. C'est un fou de chiffres. Là. C'est un fou. Un fou fini. Fini. Fini dans le sens que il s'attardait là-dessus. Puis quand on s'attarde sur quelque chose, on devient attardé. Au même titre que le linguiste. Celui qui veut performer, qui veut enjoliver, qui veut ensoleiller la langue française, il devient dans son état naturel comme une anomalie de la société. Là. Mais voyons, là, on parle pas de même dans la vie. Là. Mais moi, je parle, monsieur, comme j'écris. Point. Si vous saviez, point d'exclamation, ce que je vis, point d'exclamation, vous ne ririez pas comme cela. Point d'exclamation. Cherchez-vous à me connaître? Point d'interrogation. Là, tu dis, voyons donc, toi. Moi, j'ai dit, non, mais attends, calme-toi. T'as déjà vu du monde, là, underground? Mais là, grondé comme ça, grondé. Oh, grandé! T'en as jamais vu de même. Puis là, tu te dis, écoute, on est devant un spécimen, devant un phénomène. Puis là, tout le monde, tous les médias cherchent le phénomène. Un phénomène, comme disait Richard Desjardins, un phénomène phénoménal. Pas un phénomène rénal. Il y a plein de Renault, là. Il y a Fernand Renault. Il y a Ginette Renault. Il y a Ticu Renault, hey, avec ses grands succès, là. Lâche la bouteille, prends la capsule. Oh mon! Avez-vous dansé là-dessus? Un, deux. On n'a pas de réverbérode maintenant. Non. Enlève la bouteille sur la capsule. C'est comme ça commence. Ça finit comment? Ça finit en frétille. Ouais, comme la truite en frétille. Comme la truite! Phénomène étrange. Tu te frétilles. Et je vois tes hanches. Tu te sens belle. Ma belle rebelle. Ma belle Camille. Je t'appartiens. Ça, c'est une version. Ah, pour les initiés. Êtes-vous initié, Madame Thibodeau? A jamais été. Mais non. Même dans Jeannette, là, quand on lui a dit la semaine prochaine, c'est l'initiation. Elle partait. Elle a toujours parti. Elle n'a jamais voulu s'incorporer à un groupe. Sauf à ses KRL, elle était bien heureuse. Moi, j'ai dit, Madame Thibodeau, si vous voulez faire rentrer Nadine, vous êtes ma recherchiste, ma scénariste, vous êtes une très triste, mais en même temps très heureuse. Là. Très heureuse. Il y a du monde qui sont heureux d'être tristes. C'est leur but dans la vie. Mais il faut que je souffle. Je veux avoir ma place en haut. Ma place au ciel. Mais je leur ai dit, et souvent, je leur dis encore aujourd'hui, là. Il n'y en a plus de place. Tout est plein. Hey, on a envoyé nos ordures en haut. On a envoyé nos chrétiens en haut. On a envoyé tous les gens qui croient qu'il y a du monde en haut. Là. Ils sont tous en haut. Il ne reste plus rien en haut. Quand la fusée part, là, la NASA, hey, ils ont un GPS tellement développé pour contourner tout le... Ah oui, il y a Sainte-Martine, il y a Sainte-Cécile, il y a Sainte-Claudine, il y a Saint-Pierre, Sainte-Marie, il y a Saint-Joseph. Il hey, faut tout contourner ce monde-là pour monter en haut, là. Sinon, ça fait des accidents. Puis, hey, avez-vous déjà entendu aux informations qu'il y a eu dans la stratosphère ou dans la gélosphère? C'est en haut, c'est de la gélo, hein? La gélosphère, c'est plus haut que le haut. Quand c'est plus haut que le haut, et monsieur, c'est pas à peu près, là, c'est vraiment, là, tu montes, c'est le firmament. Firmament. Puis surtout que je crois sincèrement que toutes les mamans sont au firmament. Puis là, vous allez me dire, est-ce qu'il y a un fir-papa? Je ne vais pas encore étudier, mais si je vais très longtemps faire des rencontres universitaires, je vais peut-être arriver là-dessus. Mais pour le moment, il y a un firmament. Un fir-papa. Point d'interrogation. 3 points de suspension. On verra. On verra chez Ra. Mais ouvre pas ta porte! À n'importe quel étranger. Car tu verras, tu n'auras plus de pain tranché. Hein? Qu'est-ce qui se passe là? Mais non, mais c'est de la ribette. Tu sais, quand tu as des. On te remet une belle affiche. Hey, ta chanteuse populaire que tu connais tout seul parce que c'est ta copine puis elle fait des belles chansons. Tu sais, c'est une genre de Tori Amos, là, mais singulière, là. Mais elle, c'est pas le piano, c'est la guitare. Là, quand t'as. Elle titille un peu, elle a bien mangé, puis. Elle s'est bien sustancée. Ah oui, c'est. Ben, en tout cas, elle sent heureuse. Elle prend sa guitare, comme Guy Béard. Mais Guy Béard, lui, à l'époque, où il était d'époque, là, il n'est plus d'époque parce qu'il n'est plus sur cette terre, il prenait sa guitare, mais prenait toutes ses chansons. Ça pouvait durer 2-3 heures. Quand on voyait, tu sais, on invitait notre ami Guy Béard. Pourquoi pas? Voyons donc, Guy, viens-t'en. On a de la farlouche, on a de la carnouche, on a même du vin nouveau. Bon, ça c'est pour les gens qui, à la fin de soirée, ils n'ont plus rien à boire. On a du vin nouveau. Ça peut coûter cher, ça vaut pas plus cher du vin nouveau. C'est pas nouveau, on va te dire c'est quoi, là. C'est du raisin qu'on vient d'écraser à roll-pied, qu'on a garoché dans la bouteille, qu'on a brassé, qu'on t'a envoyé, puis tu vas boire. Puis on a rajouté 3,5 onces d'alcoolémie, pas alcool et demi, alcoolémie. L'ai mis dedans moi-même, là. L'ai vu tomber. Moi, là, j'ai dit, hey, voyada, hey, c'est au torchon. Non, arrête pas ça au torchon. Arrête ça au houblon. Ouais, mais c'est du vin, c'est pas de la bière. Le houblon, c'est dans la bière. Non, mais houblon, c'est en haut de la bouteille. Mais là, comment? Quand tu connais pas ça, moi, je connais pas. Je suis pas dans le milieu, moi, là. C'est où, le houblon? À quel moment je peux dire que j'ai mis ça au houblon? Ils m'ont dit, hey, écoute-moi, mon grand blond. J'ai jamais été blond. Je suis foncé, qu'est-ce que voulez-vous? C'est dans ma nature. Puis quand je me rase pas, là, je me rends compte que j'ai du poil blanc. À 33 ans, du poil blanc. Bon. C'est une autre aventure de la vie. une autre aventure. C'est pas une aventure, c'est normalement, c'est ce qui doit arriver, c'est la locomotion. Quand tu avances, puis tu peux pas reculer, puis tu y vas, puis le temps passe, et voilà les cheveux blancs. Ton souvenir de ma jeunesse, venez à moi, petits ou grands enfants, je ferai de vous ça donne mal au cœur, hein? Il faut déjà en avoir un. Madame Thibodeau a lâché son cœur, elle. Parce qu'on lui a dit, madame, on l'a fait, celle-là, c'est bon, ça. Madame, que c'est beau, le 32 juillet. Et on lui a mentionné que son cœur était un peu chaloupeux. Qu'il était un peu cascadeur. Puis elle, elle a une petite crainte des grandeurs. Elle dit, mais moi, j'ai toujours été petite, hein. J'étais petite. J'ai grandi, j'étais petite. Je suis née adulte, j'étais petite. Puis mes idées, elles sont petites. Puis ma vie est petite. Puis mon existence est petite. Puis je vais mourir petit homme, hein, d'une manière petite, peut-être. Non, je suis miniature, tout. Puis je veux pas déranger, moi. Hein? J'ai jamais voulu déranger. J'appelle même pas personne. Moi, je me suis fait couper le téléphone. On m'a dit couper. Non, mais ils m'ont dit, tu l'utilises pas, ton téléphone. Mais c'est normal. Je veux pas déranger, moi. Je fais partie des petites agences. Puis quand t'es petit, ben, tu veux être silencieux. Puis quand t'es silencieux, ben, tu fais rien. T'attends. T'es dans l'attente. T'attends. Puis plus t'attends, puis plus tu veux attendre, puis tu vois du monde autour de toi là, qui s'agite. Tu te dis, voyons donc. C'est-tu moi qui est anormal? Mais c'est normal que t'es anormal. Tout le monde veut performer. Tout le monde veut être vu d'ailleurs, veut être sur des écrans géants, être vu en haut de l'affiche. Comme me disait Aznavour, je vois déjà en haut de l'affiche. Ben oui, on veut se voir en haut, illuminé, à Las Vegas. Quand tu habites à Limoilou, 4e avenue, tu veux te voir à Las Vegas, puis pourquoi pas? Tu mérites ça, t'es un humain. Non, mais écoute, tu peux aller où tu veux. Ça dépend de toi. C'est toi qui te limites. C'est toi qui te limites. Tu ne peux pas. Hey, je me sens comme un jovialiste, moi, là. Je devrais aller faire carrière là-dedans, là. Le vendredi, samedi soir, à travers la tombola de Mme Giguère, qui veut vendre de ses soutiens Georges, parce que c'est une ancienne paripatéticienne. En tout cas, elle faisait des parties avec ses soutiens Georges. Là, son chien, parce qu'elle avait un chien qui préférait ses soutiens. Attendez. Qui préférait. Là, ça reste entre nous, là. Qui préférait ses dessous chics, mais du bas. Du bas, mais du bas. Du bas Canada ou du haut? Parce que là, on sait que nous autres, on a un problème. On a toujours un problème. Installe le micro, Gaétan. Avec le haut puis le bas. On se demande, est-ce que je suis du haut? Mais oui, voyons donc, pose pas la question. T'es Québécois? Oui, mais t'es du bas. T'es du bas. Mais pas parce que tu es en bas que tu vas rester là. Exemple, la sphère de latex gonflable, communément appelée balloon. Si elle est gonflée à l'hélium. Attention, là, c'est de l'hélium. L'hélium. Oh, Lilium. chaque fois que je monte d'octave, ça va finir que je vais casser des verres, moi, là. Puis mon but, c'est pas d'en casser, c'est d'en remplir. Ah! Monsieur. Monsieur le Président. Les messieurs, hein? Les mafiosos. Il y en a des mafiosos, il y en a. Mais on les connaît pas. Messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés, vous, chers résidents, résidentes et pudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante Errance Rénaldienne. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule? La semaine prochaine, c'est mes nouveaux invités 2016, parisiens, parisiennes, parisiens, parisiennes, mais je reviens! Je reviendrai de Paris avec... Mais je suis revenu depuis quand même longtemps, mais j'ai pas voulu vous divulguer toutes mes extravagances et surtout mes quiproquos. C'est important, l'équipe. L'équipe, c'est important. L'équipe proco, ça, c'est la deuxième ligne. Quand l'équipe ne suit pas, bien, l'équipe proco va prendre la relève, mais ils n'ont pas une formation, ils sont comme sur le tas. Il reste sur le tas, puis ça sent le gros tas. Puis en tout cas, mais en même temps, c'est un autre phénomène. Ce phénomène pararénal que je peux pas divulguer ce soir parce que vous allez appeler l'instance. L'instance qui, ce soir, malheureusement, souffre d'inconstance. Aujourd'hui, le vendredi 12 août, Léa Lebiconte. Elle pratique, la belle Léa, parce que je l'ai rencontrée, je vous le dis. C'est ma dernière 2016 et je suis très ému. J'ai comme le chapiteau qui s'effondre. J'ai comme la lunette qui s'étire au loin. L'oreille qui coule vers le bas. Bref. Je suis une peinture de Dali. La pratique de Léa Lebiconte est articulée autour de son corps. Celle-ci est l'axe et le départ de chacun de ses projets. Elle génère ainsi une réflexion plurielle autour du concept précis qu'elle multiplie en... Allô? Oui, on arrive, oui, on vous la présente. On va pas plus loin. La preuve, là, c'est que c'est maintenant. Faisait la pluie et le beau temps. quand elle n'est plus là, qu'on peut la contempler, avant ne pouvait pas. On était trop rapprochés, c'est quand elle n'est plus là, plus tout à côté, qu'on voit à quoi elle pouvait ressembler. Avant on n'y pensait pas, car on y était collé. Avant ne voyait pas qu'elle n'était pas donnée, qu'elle pouvait partir comme ça dans la soirée, qu'elle ne pouvait plus être là à notre portée. Sans l'innocence, c'est beaucoup moins léger. Sans l'innocence, c'est moins facile à porter. C'est quand elle n'est plus là qu'on peut la regretter. Avant ne pouvait pas, on ne pouvait pas imaginer qu'on la retrouverait pas. On est tout éboussolé, on ne voit plus trop à quoi s'accrocher. C'est toi qui nous pourris la vie. pourquoi tu nous fais ça? Tu sais bien que pour nous, mourir, c'est super dangereux, putain, la mort. J'aime pas l'ambiance dans tes cimetières, je finirai pas l'octobre. Plutôt crever, ça pue. Y'a que des vieilles avec des fleurs ou des néo-nazis avec des bombes de peinture. Et puis des pelles, et puis des pelles, et puis des pelles pour déterrer les juifs. La mort, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. La fête est finie. On a plein de médicaments, on a des casques de mobilettes. Et surtout la police. Bah ouais, la police. Parce que leur boulot c'est de nous empêcher de mourir. Et eux c'est des vrais dingues. Ils en ont rien à foutre que t'as un cancer du poumon. T'auras quand même une amende si t'oublies de mettre ta ceinture. Bah ouais, je sais, c'est pas logique. Mais de toute façon logique ça rime pas avec flic. La mort, t'es bientôt en dépôt de bilan. Quand on voit le prix d'une tombe, ça incite pas les gens. Aujourd'hui pour mourir, il faut avoir les moyens. Sauf que ceux qui ont les moyens, c'est ceux qui meurent le moins. La mort, quand tu viens chercher des vieux, attends au moins qu'ils aient plus une thune. Ça évitera que leur famille, ils s'enculent entre pour les restes. Ouais, alors là, les gars, je vais vous faire une chanson contre des gens dans mon pays. En fait, ils ont pas de maison. Ils vivent dehors ou bien dans des cabanes parce que c'est des sales feignants. Mais ça n'a rien à voir avec vous, hein. Clochard, clochard, char. Quand on fait rien pour pas le devenir, c'est comme ça qu'on devient. Clochard, clochard, char. Avec des petites croûtes partout. Même en plein hiver, vous dormez tous dehors, encore un bon prétexte pour picoler. C'est chouette quand dans la rue, vous nous jouez de la musique. Mais des fois quand même ça se voit que c'est seulement pour l'argent. Clochard, clochard, char, c'est pas comme ça qu'on devient artiste et encore moins vedette. Clochard, clochard, char. De toute façon pour être vedette, bah d'abord il faut être mignon. Vous avez trop mauvais genre pour qu'on ait pitié de vous. Nous, on s'inquiète que pour les riches, mais des fois quand même, on vous donne des sous. Mais c'est seulement pour le chien, parce que lui n'y est pour rien. Clochard, clochard, char, rentre chez toi, même si chez toi c'est nulle part. Clochard, clochard, char. Et regarde les Algériens, eux au moins ils ont des appartes. Clochard, clochard, char, rentre chez toi, même si chez toi c'est nulle part. Clochard, clochard, char, et regarde les juifs, eux au moins ils ont un pays. Nice one. Écoutez Errance Rinaldienne sur CKRL MF, le 89 Hall à Québec, avec Rénald Dany. Donc en fait, on a une sensation, on a un tableau rayé en fait. Et ce qui a dérangé beaucoup ce lieu en Angleterre, c'était un musée assez. Assez sympa, assez, tu vois, mais en même temps très carré. C'était la réaction des anciens combattants. Ils avaient peur de la réaction. Et donc, du coup, ils ont annulé. T'étais-tu payé quand même? Exposition. Ou... Non, si tu veux, c'était vraiment annulé. Ok. Ouais. Mais. Est-ce que tu l'aurais fait ailleurs? Donc, ça s'est fait dans pas mal de lieux en France. Donc, ça a été exposé. Et comment ça a été accepté par. Donc, il n'y a jamais eu de problème. Et les militaires étaient plutôt enchantés. Ils essayaient de repérer. Est-ce qu'ils avaient compris le message? Peut-être pas, hein? Si tu veux, les messages ne sont jamais anti ou pro. Donc c'est vraiment des ambiguïtés. Donc quelqu'un qui veut voir... Se sentira touché par le fait que tu annonces le fait qu'il y a eu des militaires ou des gens... Si tu veux, les militaires vont être touchés par les objets, essayer de... De dire « Ah oui, j'avais ça à l'époque, ouais. » Et les gens anti voient quelque chose d'anti, les gens... Ok, les gens de droite arrivent à satisfaire tout et les monde, gens de gauche tout aussi. Monde ils trouvent ça en compte, tout le monde y trouve ça en compte, c'est ça? Et si tu veux, c'est... Et c'est ça qui te plaît, toi, c'est le côté oui, parce que... compréhension de l'œuvre vis-à-vis des... Et moi, je propose un projet et les gens, après, oui, c'est leur problème. En même temps, ne soyons pas innocents. Toi, quand tu proposes quelque chose, quand tu fais quelque chose, tu as déjà l'idée de ce que tu veux dire. Tu sais que toi, de ton côté, tu es antimilitariste ou tu ne l'es pas. Si tu veux, l'idée, c'était aussi de faire une peinture formelle avec des objets militaires. Comment créer une peinture quasiment psychédélique avec toutes ces couleurs, avec un matériau à la base guerrier, militaire. C'était un petit peu cette idée-là. Ça veut dire que de loin, les gens peuvent penser que c'est une toile ou quelque chose. Et, de près, il y a ce petit, il y a le symbole. Et finalement, je pense qu'on ne peut pas vraiment être contre cette pièce parce que c'est une idée un petit peu internationaliste de dire ben, tous les mérites se valent, tous les pays se valent finalement. On réaligne les mérites, que ce soit un pays africain ou les États-Unis. Il y a même des médailles plus controversées allemandes, etc. Mmh. Et on ramène l'histoire à... Mais en même temps, ce qui me plaît là-dedans, c'est que tu fais beaucoup d'œuvres éphémères. Aussi, oui. Ouais. Comment tu perçois le côté éphémère de la chose? C'est-à-dire qu'une fois que c'est fini, c'est terminé, des fois tu travailles des mois, des années pour une seule exposition, pour une seule prestation, pour une seule performance. Le côté éphémère, c'est pas frustrant ou si c'est volontairement jouissif? Non, parce que c'est vraiment... en fait, quand on a une idée, il n'y a plus que ça qui compte. Et, une idée fixe. C'est un petit peu ça. Et si l'éphémérité fait partie du concept, c'est vraiment assuré et on a envie que ce soit comme ça. Même si ça doit mettre un mois et qu'on la détruit en quelques secondes. Est-ce que inconsciemment tu essaies de... Pourquoi tu ris? Non, parce que c'est marrant ta question. Parce qu'en fait, on est vraiment dans le... Un petit peu dans le... Tu sais, les mandalas tibétains, où ils vont vraiment poser leur sable pendant des mois. Et je suis un petit peu dans ce trip-là aussi, de la vacuité, de... Mais Et l'acte pour rien aussi, des actes gratuits. Mais c'est ça, je veux en venir à ça. Mm. En créant des œuvres éphémères, entre guillemets, il fait tellement chaud que même mon pote. En créant des œuvres éphémères, entre guillemets, est-ce qu'elles le sont vraiment encore aujourd'hui avec les iPhones, les appareils photographiques, les caméras? Donc, l'éphémère n'existe plus? Ouais, t'as la réponse au truc, quoi. Est-ce que, en plus, volontairement, tu sais que tout ça ne sera plus là demain? Est-ce que tu demandes à des copains de filmer, de prendre des photos? Si tu veux, soit quand c'est un projet sur le long terme, on prévoit les traces. Mmh. Par exemple, si c'est le concert sur les obus, j'ai réalisé un concert donc avec des musiciens sur des obus. Là, on savait que c'était un instant, donc les gens qui ont assisté ont vraiment assisté à l'œuvre, en fait. Mais ensuite, j'assume l'enregistrement comme une trace. Okay. Donc, c'est plus l'œuvre. On est du domaine de la trace et du témoignage, en fait. En fait, on prépare un deuil. Un deuil? Non, c'est vrai. Non? Je sais pas, ouais. C'est plutôt, oui, un témoignage. En Afrique, on fête le deuil. C'est juste ici, puis chez moi, dans quelques pays. Les Occidentaux sont un peu frileux. En fait, tant qu'à brailler, braillons. Puis même, il y a certains pays où on n'arrive pas à pleurer, on commande aux pleureuses de venir brailler quelques gouttes. Mais donc, l'éphémère n'est plus éphémère en 2015. Non, c'est vrai. Mais quand même, je considère toujours que dans une performance, l'instant de l'œuvre est vraiment l'instant... Oui, il fallait être là, sinon t'as manqué quelque chose. Après, c'est autre chose, on est dans la trace. D'ailleurs, on ne retranscrit jamais une intensité par une trace. C'est toujours... quand je regarde les vidéos, c'est toujours pâle, c'est toujours raté. On n'a pas la... on retrouve pas la magie de l'instant. J'ai 10 questions et on va voir où ça nous amène. Mais peut-être après les 10 questions, on va aller voir qu'est-ce qui se prépare pour toi. Si tu étais un liquide. Si tu étais un liquide. Pourquoi tu ris? Non, oh non, je réponds à des questions semblables. J'imagine la suite. Un liquide. Imagine, mais c'est pas ça que tu vas entendre. Attends, je réfléchis. Si je te dis de la bave, c'est trop facile. Non, de la bave, on me l'a jamais dit. De la bave. La bave à qui? De la sécrétion, on va dire. Féminine, masculine, peu importe. Peu importe. OK. On n'ira pas plus loin, on creuse pas, c'est ça. Tu veux pas que je creuse. Si tu étais une ville. Une ville. Mais en as-tu bavé pour être rendu là? Beaucoup, oui. Beaucoup? OK. Alors, si tu étais une ville. Alors, attends, une ville. c'est difficile. Bangkok. Tu es déjà... Ah oui? Et puis? J'aime beaucoup Bangkok, ouais. Est-ce que c'est un bon public? Oui, et si tu veux, ça concrétise cette idée un peu spirituelle de profane qui se mêle, de superstition et en même temps d'argent ostentatoire, le côté un peu bandit aussi. Ça correspond bien à mon travail. Et en même temps, la junte militaire, enfin bon, je vais pas m'expanser, mais il y a un côté vraiment très contrasté. De liberté totale et en même temps de contraintes. En fait, c'est ton univers dans ce pays-là. Ben, en fait, je trouve que ça syncrétise bien, tu vois, ça synthétise. Ça représente bien, Léa. Voilà, ouais. Donc, si tu étais une langue. C'est assez. Ça va peut-être paraître bizarre, mais ce serait. J'aime beaucoup le sanskrit. Et le sanskrit, et en particulier. J'ai beaucoup étudié dans le bouddhisme tibétain les mantras. Et donc ce serait peut-être cette langue ancienne et très puissante. Qu'est-ce qui t'intéresse dans le mantra? C'est tout vrai. Enfin, c'est un petit peu tout. Le côté rituel, le côté transe qui va arriver. Aimes-tu la transe? Est-ce que tu provoques la transe? Je sais pas si je la provoque, mais c'est des choses qui m'intéressent, des concepts et. Aussi les sons qui guérissent, il y a tous ces concepts. Est-ce que tu te sens quelquefois en transe dans la création? Oui, ouais. Est-ce que tu la provoques cette transe-là? Excuse-moi. Est-ce que tu la provoques cette transe-là? Je pense que c'est mentalement, on rentre dans un univers d'idées et on se met tout seul en transe. Quoi. C'est, Comment tu fais pour rentrer toi-même en transe? Je peux pas te dire, c'est vraiment... Indescriptible? Ouais, c'est... Est-ce que c'est la création qui amène la transe ou si tu dois être en transe avant de créer? Disons que c'est vraiment au moment où les idées commencent à naître. C'est vraiment un état particulier. Même des fois, je suis comme très immobile et puis je vois les choses qui commencent à naître. C'est des moments très excitants. Et lorsque tu es en transe, essaies-tu d'intellectualiser pour ne pas rester trop souvent en transe, pour ne pas te laisser accaparer, pour devenir de l'art brut? Je pense que la transe est aussi une espèce de vision assez pure et nette. Et du coup, c'est aussi de l'ordre intellectuel, finalement. Mais c'est... C'est de la transe contrôlée? Mais c'est un intellect qui n'est pas, formaté. C'est un autre, une autre forme. C'est de l'errance? Un petit peu, ouais. Dérive psychogéographique, je suis un peu aussi dans ces... Si tu étais une époque? À une époque... Ah, je pense vraiment aujourd'hui, quoi. Je sais pas... Oh, mais toi, t'es dedans avec ton heure actuelle. T'es vraiment... Je pense que c'est vraiment aujourd'hui. Aujourd'hui, puis pouvoir creuser... Pour demain. Pour demain et aussi tout le passé, pouvoir fouiller tout ça. Et toi, t'es pas du genre à dire que tout a été fait parce que tu brises certains sentiers, tu défriches un univers qui n'a jamais été fait et... Si tu veux, je pense que, évidemment, tout a été fait sûrement quelque part, par quelqu'un, un endroit, mais jamais de la manière dont... Chaque individu peut l'apporter, peut l'attirer. Et puis aussi, on fait tous des rapprochements d'idées différents. We'll be right back. écoutez Errance Rénaldienne sur CKRL NF le 89.1 à Québec avec Rénald Gagné. Un passé différent. Moi, je pense que tu vois, il y a des gens qui ont travaillé sur les escargots, sur les animaux, d'autres sur la guerre, etc. Mais moi, je fais une espèce de mixture qui est différente. La soupe est différente. Oui. Donc, obligatoirement, le goût sera différent. Le goût est unique, tu vois. Ouais. C'est un petit peu ça. L'unicité, est-ce que ça te fait peur? La globalisation. Est-ce que le côté. Ouais, est-ce que le côté universel te. En fait, moi, non. Je trouve que c'est plutôt excitant de se dire on peut communiquer avec tout le monde, on peut aller partout, on peut... Mais pas avec tout le monde, parce que les gens qui sont fermés ne veulent rien savoir de... C'est sûr, mais il y en a... Il y a un clan qui s'ouvre à toi. Il y a des horizons peut-être un peu plus curieux. Si tu veux, la mondialisation permet quand même de trouver des points communs avec des gens à l'autre bout du monde, ce qu'on ne pouvait pas vivre avant. Donc ça, c'est le point positif. Évidemment, le point négatif, c'est cette uniformisation, etc., de la pensée, des modes de vie. Mais moi, j'essaye de voir vraiment toujours le côté positif. Par exemple, dans mes projets futurs, je suis en train d'organiser un voyage en Amazonie. Et c'est des choses qui auraient été, j'espère, 2016. Mais c'est des genres de projets qui auraient été impossibles avant. Parce que là, je travaillais avec une tribu qui a été contactée il y a 50 ans seulement. Et qui sont connectés sur Internet, ultra connectés. La tribu ? Ouais, ils s'appellent les Surui, et ils sont en Amazonie du côté du Brésil. Est-ce qu'ils ont des cellulaires ? Excuse-moi. Est-ce qu'ils ont des cellulaires ? Oui, en fait, ils ont contacté Google, ils ont dit nous on veut être liés, on veut des connexions. On peut faire une émission française où un artiste est parti là ? Il n'y a pas eu d'artiste encore, c'est plus des ONG, etc. Et qu'est-ce que tu veux faire là? Toi, des prestations? Si tu veux, l'idée, c'est... J'ai beaucoup travaillé donc, sur les pigeons. Et à Paris, il y a un homme qui est un itinérant et qui s'occupe des pigeons. Vraiment, il les nourrit à très grande échelle, il les soigne, il s'en occupe. Tu le connais? Ouais. Dans quel arrondissement? Il s'appelle Giuseppe Belvedere et il est sur le parvis de Beaubourg. C'est un vieil homme courbé, tu vois. Et en fait, c'est une vedette dans son quartier. Il est devenu une vedette, mais il a été très détesté parce qu'à Paris, les gens détestent les pigeons, etc. Ouais, parce qu'ils ont fait des crottes, ça brise les voitures. Et si tu veux, il est menacé de mort régulièrement, il se fait agresser, enfin, c'est assez trash. Et mon idée, c'était de faire un rapprochement avec cet Indien Surui qui s'appelle Almir et qui est menacé de mort dans son pays parce qu'il traite avec directement Apple, etc., Google, pour lutter contre les forestiers qui détruisent la forêt. Donc je voulais faire ce rapprochement. Donc mon idée, c'est que je ramasse des plumes de pigeons dans Paris depuis un an et demi, deux ans. Ah oui. L'idée, c'est de faire fabriquer là-bas des coiffes en plumes de pigeons de Paris et de les ramener sur Paris et de coiffer Giuseppe en fait avec cette coiffe. Tu vois un petit peu ce retour. Un petit peu cet aspect chamanique parisien de la ville. Et qu'est-ce qu'il a dit de ça? Est-ce qu'il sait? Et donc, si tu veux, je suis en pourparlers avec une ONG qui s'occupe de cette tribu et a priori, ils ne seraient pas contre que je fasse une résidence sur place et qui peut-être transformera le projet. Voilà, donc on est toujours dans cette ouverture-là. Voilà, il peut se passer autre chose en fait. Ah ouais. Ouais. Alors pour 2016, soit-on. Ouais, 2016. Et comment tu fais pour trouver les sous pour aller là? C'est des gens qui... Donc je cherche. Je cherche, mais... Si tu étais un mot... Un mot? Non. C'est compliqué, un mot, parce que... Quand tu dis à quelqu'un... Pas de premier degré non plus. Parce que tous les degrés. Là, ascenseur peut-être. Non, attends, là c'est pas facile. Je cherche un mot que j'aime bien en ce moment. C'est pas très spontané. Peu importe, pas grave. C'est dur, hein? C'est horrible ta question. Mais lorsque je t'ai dit un mot, lequel t'es venu à l'esprit? Aucun? Non, mais c'est... T'as jamais vu de mot apparaître lorsque j'ai dit un mot? Il y avait un blanc... Tu veux dire que les gens te disent le mot qui apparaît tout de suite? Hein? Non, mais t'as rien vu apparaître. Un mot, il n'y a rien eu. Non, pas... Ben voyons. Il y a un blocage. Coudon, ou est Freud. Attends, je sais pas. coup, je suis bordélique aussi. Si tu veux, c'est pas spontané là, ouais. Je suis peut-être fais la suivante, ça va monter après. Ok, ouais, ouais. Si tu étais un aliment. Moi, j'ai une pipe de cour. Un aliment. Pas un animal, un aliment. Piment. Piment, j'aime vraiment, je crois. Ouais, j'aime vraiment tout ce qui. Oui, hein. Tout ce qui arrache. Mexicain, japonais. Ouais, réunionnais, africain. Ah oui, non, j'ai jamais goûté. J'ai jamais goûté. Si tu étais une saison. L'été, ouais. Fais mon rangement. L'été? Non. La chaleur, toi, t'as aucun problème? La chaleur, ouais. Ah, ok, t'aimes ça, la chaleur? Faut que ça plante, faut que ça sue. C'est difficile, mais je préfère la chaleur. Ouais, je suis plutôt dans le plombage. Ah oui, oui, c'est ça, c'est un côté rock'n'roll. Si tu étais un membre corporel. Un quoi? Un membre corporel. Ah. On dirait pas ça chez nous au niveau de l'expression, c'est pour ça. Vas-y, c'est le premier. Écoute, je fais ça depuis 7 ans, c'est la première fois qu'on m'a dit ça. C'est vrai? Oui, ce serait quoi? Un membre corporel. Ah, tu veux dire, ouais, moi, ouais, ce que je te dirais? Ouais. Non, non, non, mais la tournure, ce serait quoi, au lieu de dire membre corporel? Un membre corporel. Attends, je réfléchis du coup. Ouais, un membre ou... Ouais, mais un membre, ça peut être un piano, un membre, ça peut être un membre funky, ça peut être un membre... Un organe ou... Non, mais d'extrême droite, un membre... Alors, un membre, mais corporel. Corporel, ok. Les yeux. Les yeux. Pour percer le mystère. Ben, je suis quand même dans la forme et dans pour l'image. Pour percer le mystère du mot, lequel, le mot? T'es toujours dans le mot, là. Oui, mais parce que là, on cherche le mot. On perce le mystère pour trouver le mot. Parce que si tu étais un mot, ce serait lequel, encore? On revient au mot. Ouais. Ou je peux y retourner parce que là, j'ai autre chose encore. Vas-y, dis encore autre chose. Si tu étais un moment de la journée. La soirée. À cette heure-ci ou plus là, tard? Là, on est parfait. Là. Oui, ouais. Il n'y a plus de soleil ou presque. 19-20 heures. Oh, c'est vrai, il y a une petite fraîcheur. Là, c'est hein? Oh, on est devant de l'alcool et c'est bon. Si tu étais... L'heure du mojito. Oui. Si tu étais... Est-ce que c'est alcoolisé, ça? Oui, ouais. C'est la composition, c'est quoi? C'est de... C'est rhum, citron vert, menthe, Perrier. Oh, ça l'avait. Je l'essayerai la prochaine fois. Si tu étais, ben juste demain, donc. Si tu étais, ben à Québec, ça existe aussi. Ils sont moins bons à Québec. Ah oui? Qu'est-ce qu'on met de plus qui n'est pas bon? J'en ai pas vu un bon, en fait. Quand j'y suis allée, c'était un peu... C'est comme la poutine, hein? Ouais. Ça dépend à quelle heure. Faut que tu te présentes là à 20 heures. Après, là, c'est assez... Pourquoi E.T. sur ton cellulaire? Pourquoi E.T. sur ton cellulaire? Ah, j'aime beaucoup E.T., ouais. Pourquoi? Je sais pas. C'est... Tu voudrais trouver un copain qui ressemble à ça? Non, okay. Bon. Si tu étais un moment de la journée, on l'a dit, si tu étais un autre individu? Un autre individu. Il y en a plusieurs. Ça peut être un personnage... Ça peut être un artiste que j'aime beaucoup. Johnny Hallyday. Joseph Beuys. Okay, oui. Pourquoi? Je l'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup et ça m'a beaucoup inspiré. Puis c'est vraiment. Oui, un des artistes. Ah, oui. Joseph Beuys ou Chris Burden, puisqu'il est décédé il n'y a pas longtemps. Et c'est vraiment aussi un artiste qui. Il est connu, hein? Ouais. Qui fait que je fais de l'art aussi, je pense. Ouais. Tu vois, mais qui n'a pas été. Qui n'a pas eu de succès. Peut-être qu'après sa mort, les œuvres ont. Ben, si tu veux, il en a, mais c'est dans un champ quand même. Underground. Des artistes, quoi. Voilà, du milieu. Mais il en a quand même. Hein, c'est quand même. Oui, mais beaucoup. Le public ne connaît pas. Peut-être le grand public, ouais. Je peux pas dire. Le grand public ne connaît pas grand-chose à part ce qu'on lui présente à la télévision. C'est sûr. Ouais. Si tu étais un autre individu, on l'a dit, oui, à choisir, est-ce que tu fais le même chemin? Oui, exactement, ouais. Oui, parce que je pense qu'on ne peut pas faire autre chose que ce qu'on fait et c'est déjà un miracle. Un miracle. Que ça continue, fonctionne, ouais. Que ça fonctionne et... oui. Que ça fonctionne, mais dans le sens, pas forcément de la reconnaissance, mais que soi-même, on peut... Que ça fonctionne pour toi. Voilà, pour moi, et que je puisse continuer, tu vois, voilà. Et surtout que tu te sentes intègre dans ce que tu fais, et si tu étais un mot... tu reviens... Ouais, je pense que ça aurait un lien avec le monde des animaux, quoi, mais... Je sais pas. L'onomatopée, non pas. Anima, ou tu vois, vraiment, un mot... Sauvage. L'esprit des animaux, quoi, vraiment. Ok.

qui les tombent toutes. Ça m'en fiche un coup, je suis comme un fou. Je m'en vais au hasard en rasant les murs du cimetière. Je saute de tombe en tombe au hasard des allées. Ça m'a fait l'effet d'une bombe. Toutes les mêmes, après tout, cette fille, je m'en fous. Ouais. Par hasard et par hasard, je réplique chez elle, sur qui je tombe comme par verre. Apparent, le genre de mec qui est en tout. Ça m'en fiche un coup, je suis comme un fou. Je m'en vais au hasard en rasant les murs du cimetière. Je saute de tombe en tombe au hasard des allées. Ça m'a fait l'effet d'une bombe ratée. De nous. Tu parles d'une question. Quand on paraît si mou devant la conviction que c'est bien d'être un homme, qu'est-ce qu'on attend d'un homme? Toujours un peu plus sourd à ce qui tient en éveil et se lève tous les jours oublié de la veille. Qu'est-ce qu'on attend de mieux au bar d'un TGV, sur un quai de banlieue avant la mise à feu d'une grève ferroviaire? La vie est un cadran, un rond de camembert à 99% de matière ordinaire. Il y a des roses, il y a des ronces, il y a du piquant dans la réponse. Qu'est-ce qu'on attend de nous? C'est qui nous, c'est qui on? À quel âge on s'en fout de toutes ces questions qui nous prennent le cigare? Un jour on en a marre, on préfère le silence. C'est la peur du hasard qui choisit le bon sens et bien fermer les stores. En attendant la mort, on va se faire l'amour qui nous donne un peu plus, mais on en fait le tour en trouvant des astuces. Qu'est-ce qu'elle attend de moi? Qu'est-ce qu'il attend pour dire qu'il faut bien faire un choix dans la joie du moins pire? Il y a des roses, il y a des ronces, il y a du piquant dans la réponse. Qu'est-ce qu'on attend de moi qui rit dans les brancards? On prendra la loi, la morale aux aboires, mais d'une guitare. Qu'est-ce que j'attends au fond? Cassandre en promotion, dénonçant les appels à la résignation qui font baisser les ailes. Dans cette catégorie, il faut être champion. Plus vous mettez du bruit, plus vous avez raison, on vous ouvre les portes. La foule vous transporte, et elle vous dit bravo, soyez notre gourou. C'est ce qu'on attend de vous. Il y a des roses, il y a des ronces, il y a du piquant dans la réponse. Qu'est-ce qu'on attend de fort? En passant à la banque, en allant faire du sport, en battant des records dans le saltimbanque. Après la mise au monde, avant la mise au trou sur cette map au monde. Qu'est-ce qu'on attend de nous? Aucun express ne m'emmènera vers la félicité. Aucun taco n'y accostera. Aucun Concorde n'aura ton envergure. Aucun navire n'y va, sinon toi. Aucun trolley ne me tiendra si au perché. Aucun vapeur ne me fera fondre. des escalators aux chariots ailés. J'ai tout essayé, j'ai tout essayé. J'ai allongé ton corps, épousé ses méandres. Je me suis emporté, transporté par-delà les abysses, par-dessus le verger. Et délaissant les grands axes, j'ai pris la contre-allée. Je me suis emporté, transporté. Ne me laissera bouche bée. Aucun walala ne vaut le détour. Aucun astronef ne s'y attarde. Aucun navire n'y va. Sinon toi. J'ai longé ton corps, épousé ses méandres. Je me suis emporté, transporté par-delà les abysses, par-dessus les vergers. Et délaissant les grands axes, j'ai pris la contre-allée. Je me suis emporté, transporté. Aucun express ne m'emmènera vers la félicité. Aucun taco n'y accostera. Aucun concorde n'aura ton envergure. Aucun navire n'y va. Épousé ses méandres, je me suis emporté, transporté par-delà les abysses, par-dessus le verger, délaissant les grands axes, j'ai pris la contre-allée. Je me suis emporté, transporté. Je viens de trouver un déclencheur intéressant avant de terminer. Est-ce que tu penses t'écraser les pieds, non? À travers les animaux, essaies-tu de retrouver le côté sauvage, le côté authentique, le côté non domestiqué? Je pense authentique et aussi très... pur. Assez pur, ouais. Côté... ouais, essentiel, en fait. Et beaucoup, et en fait, beaucoup plus sophistiqué aussi que ce qu'on peut imaginer, oui, a priori. Oui. Peut-être une sophistication... une compréhension autre que notre, ouais, que nous, une autre façon de... Et aussi, ne pas être dans un... Comment dire... dans une autosatisfaction humaine, hyper... Ah oui. Ils n'ont pas d'égo, les chiens. Voilà, un peu moins, voilà, un peu moins d'égo. Quoi que les petits en ont un plus gros parce qu'ils veulent agresser tout le monde, là, mais les gros, c'est des toutous. C'est ça. C'est des toutous, c'est des petits qui... Et on dit chez nous, je ne sais pas si on dit ici, un chien qui jappe ne mange jamais. Ah, non, non? C'est vrai. C'est vrai, tu sais, un chien qui jappe, là, c'est comme quelqu'un qui gueule. Tu sais, quelqu'un qui gueule, frappe, normalement, ne frappera jamais. Ça. Une grande gueule, mais au bout du compte, c'est juste les... Il faut se méfier des silencieux, des introvertis. Ah oui, les gens qui sont... Oui, et les gens qui font de l'art brut aussi, ils sont plus... Mais, et ton actualité à venir? Donc, mais toi, tu fais de l'art actuel, donc on n'a pas à faire attention. Attends, je vais essayer d'aller vite. Non, prends ton temps, on a le temps. J'essaye de resynthétiser. En fait, de placer dans le calendrier. Ouais, si tu veux vraiment... Il y a plein de choses qui s'ouvrent à toi. Il y a pas mal de choses qui plus sont ça en cours, va, mais plus si tu veux, je veux retourner à Bangkok donc, en octobre. Et je vais faire un projet qui va sur les tatouages de protection. Il y a des tatouages de protection. Des religieux, des lamas. Donc c'est l'équivalent de prêtres. On parlait de Serge tantôt, ça tombe bien. Voilà, on est dans le même. Oui, même registre. Et si tu veux, ils tatouent les. Donc c'est des tatouages ancestraux thaïlandais. Et c'est pour protéger les gens. Et je suis tombée sur un site internet où il y a des tatouages spécifiques pour protéger les gens qui possèdent des armes à feu. Donc c'est tous les militaires, les gendarmes, les policiers, tous les gens, le maintien de l'ordre, se font tatouer cette formule magique qui est censée être par balle. Donc ça m'intéresse. Et, Des super-héros. C'est vraiment une formule, si tu veux, très ancienne. Es-tu tatoué ? Oui, ouais. Mais c'est. C'est quoi ta tatouage ? C'est en fait le travail donc, de mon ami Joël Hubeau, qui. Il travaille sur une pratique qui s'appelle épidémique, les signes épidémiques. Donc il a créé une sorte d'alphabet de langage. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Mais il n'y a pas de signification directe. Ok. Mais... Et qu'est-ce que ça veut représenter plutôt ? Si tu veux, il a. Dans la compréhension que j'en ai et l'interprétation que j'en fais, donc il sera pas forcément d'accord. Okay. Mais si tu veux, c'est vraiment. Il a étudié tous les signes un petit peu primordiaux de tous les alphabets, okay. De tout ce qu'on pouvait retrouver dans les signes. Tu vois, dans les signes égyptiens, dans les signes. Il a un petit peu synthétisé tout ça. Il a créé son propre langage, en fait, formel. Et ça n'a pas vraiment de signification. Ça peut en avoir, ça peut en avoir dans certaines de ses œuvres. Et qu'est-ce qu'il t'a dit, lui, par rapport à ça? Si tu veux, par rapport à ça, on a plus été sur l'aspect formel, okay, d'équilibre, tu vois. Okay. Mais dans certaines de ses œuvres, il y a des. Il fait des genres de tableaux et. Il crée des mots, en fait. Donc, mais sans te le dire. Il me l'a pas dit, forcément. Okay, okay. Et tu l'as laissé... C'est ça. Et as-tu un projet de te faire tatouer, peut-être une performance Donc là, si tu veux, en Thaïlande, l'idée, c'est de rencontrer ces moines donc, qui font ces tatouages de protection. Et te faire tatouer. Me faire tatouer. Donc, contre les balles. Contre les balles. Et, donc, et la deuxième performance, tu vas te faire tirer pour voir. Je vais en faire une œuvre, mais je sais pas encore quoi. Ok, ok. Et je vais retourner voir les boxeurs. Ok. Parce que depuis que j'ai travaillé avec ce boxeur, c'est une pièce qui a eu beaucoup de retentissement et je voudrais lui ramener toutes les publications. Ok. Est-ce que tu vas en faire une suite? J'aimerais, ouais. J'aimerais. Mais aller plus loin dans ta réflexion. Donc, ou, en fait, si faire tu veux, le boxeur, je l'avais recouvert. C'était un boxeur, j'ai recouvert de feuilles d'or pendant 3 heures. C'était une performance très longue. 3 heures de feuilles d'or? Il était entièrement couvert de feuilles d'or, comme un Bouddha, en fait. Il y a eu un uppercut, puis il s'est couché par terre avec des feuilles d'or, c'est ça? Il était assis, il était en posture d'attente, okay, tu vois. OK, OK. Mais comment tu arrives à demander à un boxeur de faire ça? Lui qui est peut-être un peu moins ouvert, pourquoi tu ris? C'est peu pas moins... évident. Oui, c'est ça. Parce que lui, le côté créatif, normalement, ça va avec la formation éducationnelle, plus t'as de connaissances, plus tu vas aller plus loin, mais lui c'est la rue. Et si tu veux, tu captes les gens par d'autres, d'autres côtés, d'autres biais. Par d'autres chemins. D'autres chemins. Et là, c'était la Thaïlande est un pays très très religieux, etc. Donc je suis plutôt partie dans l'idée, je veux te transformer en icône, en Bouddha, quoi. Il y avait cette idée, tu vois. Et dans ta tête, t'avais une autre façon de. Voilà. Il y avait cette transfiguration d'une icône populaire qui touche un peu beaucoup à l'argent. Mmh. La pièce s'appelle Golden Boy, donc il y a aussi cette idée sous-jacente, tu vois, d'un milieu d'argent et un peu mafieux. Un peu, Tu utilises des termes en anglais pour faire plus international ou Si tu veux, The Golden Boy, c'est vraiment l'expression qu'on emploie, la façon dont on va nommer les traders. Okay. Donc c'était un petit peu, tu vois, c'est pas voulu. Il y aurait une expression française. Okay. Qui aurait bien marché, je l'aurais prise, mais là non. Tu vois, tu travailles sur quoi là, à venir dans tes projets Donc il y a ce projet à Bangkok et ouais. Ensuite il y a je vais faire une exposition personnelle dans ma galerie parisienne qui s'appelle Lara Vinci. Galerie à toi Avec lequel je travaille depuis 3 ans. Okay. Est-ce qu'on te demande souvent de la création? Est-ce que tu te sens... Si tu veux, régulièrement. Je fais chez eux. une expo personnelle tous les deux ans, et sinon je participe à leurs expositions collectives et à des foires. Alors tu sens la pression assez régulièrement de créer ou d'abandonner quelques projets pour te consacrer aux gens qui ont cru en toi? C'est pas vraiment une pression, disons que j'arrive à ramener les terrains sur lesquels je suis dans la galerie, donc c'est très agréable. Et c'est une galerie qui est très ouverte, compréhensive. Et c'est une galerie historique qui s'est beaucoup occupée des situationnistes de Fluxus et qui maintenant se renouvelle en incorporant des jeunes, mais toujours dans cet esprit, tu vois, ouvert et pas très commercial au final. Tant mieux, tant mieux. Night after night. morning, you've got time for a hot home-cooked breakfast. Delicious and piping hot in only 3 microwave minutes. Yo, pretty package is the frosted delights. Look, it comes with a toy. I like that. I want a number 4, number 6, and throw in a plastic donut. Just enjoy the gritty crunch, it tastes just like chicken. Wrappers of many bite sizes. Man, are you freaking blind? It's a rock. All mixed in the pot full. Mama's homemade from scratch. Well, not quite. Toasted over flames, they be tasting quite right. All hell King Neptune and his water breathers. No snail thing too quick for his water feeders. Don't waste time with your net. Our net worth is set. Ready, go. Many know others. What? We be the colors of the mad and the wicked. We be bad, we be brick it with the 24-hour sign. Shower mind habits while you dine like rabbits with the crunchy, crunchy carrots. That's chicken. Gotta have it super fast. A whole line of breakfasts you've got time for. Super fast, super fast. I come in last. But just in time for breakfast. Keep it true, keep it true. Forever blue. Good night, throws actors. Aluminum, a crucial fun. Aluminum. The sea is radioactive. The sea is radioactive. All hell King Neptune and his water breathers. No snail thing too quick for his water feeders. Don't waste time with your net. Our net worth is set, ready, go. Many know others. What? We be the colors of the mad and the wicked. We be bad, we be brick it with the 24-hour sign. Shower mind habits while you dine like rabbits with the crunchy, crunchy carrots. Oh, that's chicken. Gotta have it super fast. Super fast, super fast. I come in last. But just in time for breakfast. Keep it true, keep it true. Forever blue. Good night, throws actors. Aluminum, a crucial fun. Aluminum. Avant de suivre ton actualité, est-ce que, en fait, le but de ton œuvre, c'est de toucher même les gens qui ne sont pas rattachés de près ou à la rue, ouais, à la rue, ou qui n'ont pas le lexique ou la compréhension, oui, ou la formation? Mais dans toutes les collaborations, par exemple avec les Colombophiles, c'était une centaine de personnes qui étaient mobilisées sur le projet, que j'en ai entendu parler, qui à la base n'étaient pas du tout impliquées. Et par le biais aussi des résidences, quand j'étais sur l'île de la Réunion par exemple, c'était vraiment, j'ai collaboré avec les habitants pour réaliser des images, je me suis servi des compétences locales aussi pour d'artisanat, de... Donc c'est toujours des collaborations qui vont toucher des gens qui n'ont rien à voir et qui souvent après sont interpellés et vont voir des lieux d'art après. En fait, tu bouscules un peu leur côté conventionnel. Quelque part aussi, tu réveilles des passions, des gens qui n'osent pas faire ce qu'ils ont envie de faire. Qui ont enfoui peut-être aussi pendant des années. Par exemple, les colombophiles, il y en a plein qui sont mis à voir leur passion différemment, à avoir envie de faire des images, de faire des... Mais en fait, en rencontrant ton monsieur ici à Paris qui s'occupe des pigeons, tu utilises Monsieur Tout-le-Monde pour le rendre artistiquement mouvable et... C'est vrai, oui. Mais pour moi, dans ma vision que j'ai, Giuseppe est un artiste. C'est un philosophe. Oui, mais auprès de Monsieur Tout-le-Monde, non. Okay. Ça révèle en quelque sorte des aspects des personnalités que les gens ne voient pas au premier abord. Et ça, j'aime beaucoup. Je travaille aussi pas mal avec des lamas tibétains qui sont sur Paris. Il s'appelle Lama Gurmé. Il est très ouvert et je l'enregistre aussi régulièrement. Je fais des choses. Ils acceptent, oui, parce qu'en fait... Tu les arrêtes au niveau audio, au niveau vidéo et audio? Plutôt audio, okay. Et après c'est intégré dans des installations des ou des... Et c'est c'est assez fascinant quand tu commences vraiment à parler aux gens, ça peut les toucher, ça peut marcher, mais pas, les frontières sont minces. Oui, oui. Puis en fait, juste pour faire parler d'eux, puis de leur cause. Par exemple, l'Indien d'Amazonie, lui, il voit aussi une opportunité de parler de sa cause. Donc, ouais. Et toi, c'est ça, tu te sens une artiste impliquée, une artiste qui veut sortir des barricades pour promouvoir quelque chose. Puis si tu veux aussi, je m'engage, mais c'est pas Boy Scout dans le sens où tu vois, c'est pas hippie, je vais pas m'engager, etc. Mais c'est par un biais détourné. Je vais finalement, des fois, c'est plus authentique que quand tu juste t'envoies un don ou quelque chose. Là, je vais y avoir une implication réelle. Bah, par exemple, dans le réseau des pigeons, maintenant, je les soigne, je sais m'en occuper. Mais là, comme tu as plusieurs facettes, est-ce que tu en éloignes quelques-uns? Par exemple, la chanson, c'est quelque chose que tu n'as pas exploité depuis longtemps, dû au fait que tu avais d'autres demandes ailleurs? Tu parles de quoi, la chanson? La chanson. Ben en fait, avec Joël, en parallèle, on fait régulièrement quand même des performances où c'est poésie sonore. Des performances? Ouais, c'est plutôt concert performatif, tu vois, c'est pas vraiment... c'est pas de la musique... contingentée, que l'on s'attend à entendre, c'est quelque chose qui... c'est plutôt de l'ordre... improvisé? Un peu du choc aussi. Improvisé? Oui, toujours improvisé. C'est toujours la provocation. Ouais. Provocation. Quelque part. Ben, le choc est indirect. Indirect, mais presque rendu conscient. L'inconscient est très conscient chez toi. Est-ce que tu te vois dans plusieurs années encore beaucoup plus, accompli dans ce que tu fais? Est-ce que tu vas te raccrocher à d'autres formes créatives? Oui, la photo, parce que tu n'as pas fait de photo encore? Si, pas mal, ouais. Si, aussi. OK. Okay. Tu verras. Voilà. Oui, je verrai. Alors, tu t'es réglé, mais est-ce qu'il y a des dollars? Tu veux dire, oui, des domaines que j'ai pas encore touchés? Oui, j'aimerais des chemins, beaucoup. Ben, tout ce qui est film, mais plus... j'ai fait beaucoup de vidéos d'artistes, des choses comme ça, mais j'aimerais beaucoup aussi faire un film, monter, enfin, travailler des... peut-être des situations un peu scénarisées aussi, et, tu vois, d'autres univers comme ça. Est-ce que dans la non-compréhension, on peut entrevoir quelquefois une certaine violence? Parce que quand on ne comprend pas, on peut se choquer, dire mais qu'est-ce que c'est ça? Oui, c'est sûr. Et comment tu réagis, toi, face à quelqu'un de violent? Je pense que on peut parler avec tout le monde, déjà, c'est ça. Et oui, après, tu parles avec moi, donc c'est quand même bien. C'est gentil. Mais si tu veux, je pense que tout le monde est un interlocuteur potentiel. Il ne faut pas... quand des gens se choquent, je vais... Sécurise. Je vais discuter, quoi. Ouais, et tu parles de ta démarche? Oui, ouais. Et aussi... sans doute, tu dois dédramatiser un peu ce qu'ils ont vu parce c'est que ça. Et être choqué. Et je leur explique aussi de la distance, justement, dont je parlais tout à l'heure, vraiment, entre l'objet d'art, la réflexion qu'on peut avoir et soi-même. C'est pas parce que je vais faire une pièce avec des armes que moi je suis pro-armes ou je suis... c'est pas parce que je vais, tu vois, frôler certains... Bah, ma pièce avec le drapeau français est assez violente. C'est pas pour autant que moi je suis violente ou je suis réactionnaire ou tu vois... Et essayer d'expliquer aux gens qu'on pose des réflexions, en fait, des gestes, tu vois, et on n'est pas plus violent que les images qu'ils voient à la télé, on n'est pas plus bizarre que le cinéma. Sauf qu'on ne vous voit pas souvent, on ne vous voit jamais, sauf... Si tu veux, les gens ne vont jamais choquer d'une situation au cinéma qui est complètement folle, c'est complètement admis. Rambo n'a jamais dérangé. Mais... Alors que c'est terrible, quand on commence à réfléchir... c'est plus choquant qu'une une sculpture avec des douilles ou des revolvers. Est-ce que Léa, c'est ton véritable prénom? Oui. Est-ce que et ton autre nom, c'est Léa de... Le Bricante. Est-ce que c'est voulu? C'est mon vrai nom. Ok, et ça vient d'où? De mon père, okay. C'est breton. C'est breton? Ouais. Il y a beaucoup de bretons qui portent ce nom-là? Non, c'est assez rare. Ok. Mais Léa, ça m'a fait plaisir de te rencontrer et j'espère de moi te voir de en performance à Québec. À Québec, pas à Montréal, à Québec. Oui, moi aussi. Il y a deux belles salles de performance. Je cherche à t'épanouir, à j'aimerais élargir beaucoup tes tentacules. À Québec, oui. Parce que j'ai beaucoup aimé. J'ai des liens d'amitié avec pas mal d'artistes là-bas. Il y en a beaucoup hein, dans l'art actuel. Disons que je ne connais pas tellement des artistes, entre guillemets, plasticiens. visuel, je connais plus vraiment des performeurs là-bas. Et tu veux peut-être faire une collaboration, on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. C'est ça. Malia, heureux de t'avoir rencontré ici sur la rue des Abeilles en ce beau mois de juillet. Moi aussi, Rénal. Et je te souhaite vraiment tout ce que tu veux et vraiment une reconnaissance de ton art. Merci, Rénal. Merci, bye-bye, à la prochaine. Un chariot chargé de paille, sur un chariot chargé de foin, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Elle descendait de la montagne en chantant une chanson paillarde, une chanson de collégien, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Cinq chômeurs à se lamenter sur notre malheur, en se disant qu'on se taperait bien, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Elle descendait de la montagne, flaquait nous voit vers les murailles, et qu'elle nous fait coucou les gens, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Par la taille, puis qu'elle nous emmène sur sa paille, elle nous fait le coup du zipplin, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Ah ben nous on était cinq chômeurs à se payer une tranche de bonheur, une tranche de tagada, soin de soin, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. On eut passé la ferraille, elle nous fit fumer de sa paille. Sacré bon Dieu, que c'était bien, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Plus question de chercher du travail. Dans les nuages, au milieu des petits lapins, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Chantant une chanson paillarde, une chanson de collégien, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de Les joyeux éboueurs des âmes délabrées se vautrent dans l'algèbre des mélancolies, traînant leurs métastases de rêves carchérisés entre les draps poisseux des siècles d'insomnie. Ça sent la vieille guenille et l'épicier cafard dans ce chagrin des glandes qu'on appelle l'amour. les noirs funambules du vieux cirque barbare se pissent dans le froc en riant de leur tour. J'ai volé mon âme à un clown, un clo-clo mécanique du rock'n'roll cartoon. J'ai volé mon âme à un clown, un clone au cœur de cône du rêve baby baboon. J'ai volé mon âme à un clown. Je rêve d'être flambé au-dessus du Vésuve et me défonce au gaz échappé d'un diesel. Manufacture métaphysique des flux, où mes synapses explosent en millions d'étincelles. Reflet de flammes en fleurs dans les yeux du cheval que j'embrasse à Turin pour en faire un complice. Ivre de prolixine et d'acide cortical, je dégaine mon Walter PPK de service. J'ai volé mon âme à un clown, un clo-clo mécanique du rock'n'roll cartoon. J'ai volé mon âme à un clown au cœur de cône du rêve baby baboon. J'ai volé mon âme à un clown. En un tempo led back, rasta lunaire, baisant la main de Mega Queen. Je crache dans ma tête les vapeurs d'ammoniac, nage tout mon gang sans fin au bout d'une évapine. Facsimilé d'amour et de tranquillisant dans la clarté chimique de ma nuit carcérale. L'évêque étrusque, un lycanthrope errant qui patrouille dans le gel obscur de mon mental. J'ai volé mon âme à un clown, un clo-clo mécanique du rock'n'roll cartoon. J'ai volé mon âme à un clown, un clone au cœur de cône du rêve baby baboon. J'ai volé mon âme à un clown. Un clo-clo mécanique du rock'n'roll cartoon. J'ai volé mon âme à un clown. J'ai volé mon âme à un clown. Vous avez pas autre chose comme intro là, parce que à force ça saoule hein, non? À droite, on n'aime pas trop partager, on préfère assumer tout simplement qu'on est radin. À gauche, on est tellement gentil, on voudrait tout partager, mais surtout l'argent des riches. À droite, on pense que sur la planète, la vie n'est pas possible sans la bourse. À gauche, on n'est pas d'accord, mais on n'a pas de meilleure idée. C'est peut-être pour ça qu'on en conclut que la planète est déjà foutue. À droite, On pense que si la planète craque, eh ben c'est de sa faute, elle avait qu'à être plus solide. À gauche on n'est pas d'accord, mais on a toujours pas d'idée. Sauf que maintenant qu'on a le pouvoir, ça serait bien qu'on en ait une. À droite, on s'en fout d'être malheureux, l'important c'est d'être riche. À gauche, nous on s'en fout du fric, l'important c'est de rien foutre. À droite on n'aime pas trop les Arabes et les Noirs, tant mieux comme ça. À gauche, nous on les récupère, à droite c'est nous qu'on a toutes les plus belles gonzesses. À gauche on apprend à apprécier la beauté intérieure, à droite on pense que les pédophiles, il faut leur couper les couilles à eux et à toute leur famille. À gauche, on prend la peine de se demander si dans certains cas, ils seraient pas juste amoureux. À gauche, on est content de donner des petites pièces à des clochards, et comme ça, grâce à nous, ils meurent plus lentement. À droite, on aimerait tant que les clochards soient rentables, par exemple en vendant leurs cadavres aux usines de saucisses. À droite, on pense que les chômeurs, ils devraient pas fumer, ça donne le cancer, et le cancer, il faut l'interdire à ceux qui peuvent pas se payer eux-mêmes leur chimio et leur perruque. À gauche, on pense que le cancer, ça doit être accessible à tous. En Syrie, on bute les gosses en même temps qu'on viole leur mère. Mais j'en ai rien à foutre. Et les Russes qui envahissent l'Ukraine alors que les Ukrainiens c'est déjà des Russes. J'en ai rien à foutre. Les cathos qui croient que leurs gosses ils seront plus normaux que ceux des homos. J'en ai rien à foutre. Avec le nucléaire décidément les Japonais ils ont pas de peau. J'en ai rien à foutre. Par contre si Julien le père s'arrête question pour un champion, ça fait chier. Puis la nouvelle Miss France elle est pas si belle que ça cette année. Ça aussi ça fait chier. La crise financière des fois ça fait un peu peur, mais j'en ai rien à foutre. Ils ont construit l'Union Européenne pour faire un pays de chômeurs. J'en ai rien à foutre. On a gagné les présidentielles mais on sentait bien qu'on serait déçus. J'en ai rien à foutre. Les Chinois dominent le monde alors que tout le monde accuse les Juifs. J'en ai rien à foutre. Maintenant les dessins de Charlie Hebdo ils vont être moins marrants. Ça fait chier. Le stérilé c'est vachement bien, mais tous les 5 ans faut le changer. Ça aussi ça fait chier. Le printemps arabe chez les Arabes, mais j'en ai rien à foutre. Si ils trouvent que la charia c'est moins pire que les dictateurs, j'en ai rien à foutre. L'ancien patron du FMI qui est devenu roi des partouzeurs, ça j'en ai rien à foutre. Les Américains sont de plus en plus gros, contrairement aux Tibétains. J'en ai rien à foutre. On n'arrête pas d'envahir l'Irak, alors pourquoi c'est si cher le gasoil? Ça fait chier. Comme à chaque fois tout s'arrangera après la prochaine guerre mondiale. Et celle-là, ça va chier. Chers amis, si Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.